Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'ai l'immense honneur de vous accompagner en musique pendant l'heure à venir sur 94.2 sur Fadjet. Tout simplement, c'est Serge aux manettes, au micro, et puis peu de paroles, quelques petits commentaires pour accompagner chaque titre, des titres qui seront des musiques très différentes, vous allez pouvoir le constater. On va piocher dans les coups de cœur que nous avons partagés depuis le début de l'émission, c'est-à-dire 4 saisons, et puis on va réécouter chacun des interprètes. On va commencer notamment par une collaboration surprise de l'année 2022. En effet, c'est d'Ed Sheeran et Vianney dont il s'agit. Ils ont présenté leur duo, le titre s'appelle « Call on Me » et évoque la beauté de l'amitié. Il s'agit d'un thème qui tenait à cœur aux deux artistes. Ils l'ont en effet imaginé après la perte du meilleur ami d'Ed Sheeran. C'est l'heure où les videurs deviennent gentils, même avec les gens qui font peur et sont pas beaux la nuit. Ces pieds qui collent me donnent le sentiment qu'il faut qu'on dorme maintenant. Quand dans la boîte c'est moi, t'étais pas là, que c'est bientôt les lacs du Connemara. Je tente de danser pour plus penser mes pensées le passé. Je fais comme si j'avais l'habitude de tout ça. Je la sens la solitude sans toi. Call on me, brother. Je let it be over. Every high, every low, they will come and they go to feel alive. You gotta take the blows, you know. Call on me, please, brother. It is the nights when I'm drunk that it hits me most. Feels like it opens up the door I was keeping closed. It comes in waves and then it settles. Say it will end, but I know it won't. Well, I've been in a right mess, God, yes, since you left me here alone. Every time your name gets brought up, I get caught with the tears that will overflow. Je fais comme si j'avais l'habitude. Sans la solitude, sans toi. De tout ça, je la sens la solitude sans toi. Vianney, à qui nous avions consacré notre émission en date du 28 mai 2020, pour votre information, rappelez-vous. La suivante, elle passe cet été 2023 en notre compagnie, c'est Sheila, qui donne rendez-vous à tous ses fans pour un concert exceptionnel le 12 novembre prochain au Grand Rex à Paris. On la retrouve avec son Prince en exil. Fais des poèmes. de fantaisie, superbe et plein de poésie. Partage qu'avec vous sur Fadjet. Sheila avec sa belle cape rouge. Gérard Lenormand, eh bien, s'est greffé à notre indicatif d'émission pendant les vacances et il nous est revenu en 2021 avec un nouveau single, ça s'appelle Changer, écrit justement par Vianney dont on vient de parler il y a quelques minutes. Les deux hommes se sont rencontrés sur un plateau télé tout simplement et quelques jours plus tard, Gérard Lenormand a reçu deux chansons de la part de Vianney. On écoute ce titre extrait de l'album Le goût du bonheur, Changer. Moi je préfère le bruit du bois que d'aucun coup au loin, au cri de guerre d'un Iroquois. Moi je préfère celui d'une oie à la vue de mon pain, à la chanson qui vient poser au coin des yeux de l'eau salée. Oh, je voudrais qu'on me donne un petit frère au verbe gai, une mélodie qui pourrait consoler les hommes. Changer, changer, changer le monde que la ville a grisé. Changer, changer et faire de nos hivers de longs étés. Même plus éponger les chagrins du soir. Je veux envoyer mes couplets et mille façons d'oublier les coups, les cafards. À ce qu'on deviendra demain, je veux envoyer mes refrains pour qu'à tout jamais l'humeur de nos cœurs au matin soit plus celle du chagrin, ni celle du passé. Changer, changer, changer le monde que la ville a grisé. Changer, changer et faire de nos hivers de longs. Thank you. des hits et zéro pub, c'est aussi ça, Fadjet. C'est très important ce qui vient d'être dit. Allez, on vous le redit encore une fois, moi je pense que c'est super important. Hein. Des hits et zéro pub, c'est aussi ça, Fadjet. Bien, madame. Alors donc, Gérard Lenormand, il était au centre de nos préoccupations le 4 juin 2020. Que s'est-il passé le 29 avril 21 sur l'antenne de Fadjet? Il était 17h, c'était un jeudi. Vous aurez du mal à vous rappeler, c'est sûr, ça fait plus de 2 ans. Alors c'était un coup de cœur, Gilbert Bécaud tout simplement. Le rôle de Gilbert Bécaud, disparu, je vous le rappelle, en décembre 2001, a été interprété par le jeune acteur Michael Mittelstadt dans la série de France 2. L'avez-vous vu, Brigitte Bardot? C'était super intéressant. Et ben pourquoi? Parce qu'il a entretenu une liaison à la fin des années 50 avec l'actrice. On va la retrouver dans un titre qui vous parle du mois de septembre. On n'en est pas encore là, profitez bien de vos vacances. Mais normalement, d'après Gilbert Bécaud, ça va se passer comme ça. Les oliviers baissent les bras, les raisins rougissent du nez. Et le sable est devenu froid au blanc soleil. Maître baigneur et saisonnier retournent à leur vrai métier. Et les 100 ans seront sculptés avant Noël. C'est en septembre quand les voiliers sont dévoilés et que la plage tremble sous l'ombre d'un automne débronzé. C'est en septembre que l'on peut vivre pour de vrai. En été, mon pays à moi, en été, c'est n'importe quoi. Les caravanes, le camping-gaz, au grand soleil. La grande foire aux illusions, les slips trop courts, les shorts trop longs. Les Hollandaises et leurs melons de cavaillon. C'est en septembre quand l'été remet ses souliers et que la plage est comme un ventre que personne n'a touché. C'est en septembre que mon pays peut respirer. Pays de mes jeunes années, là où mon père est enterré. Mon école est échauffée au grand soleil. Moi de mai, moi je m'en vais et je te laisse aux étrangers pour aller faire l'étranger moi-même sous d'autres ciels. Mais en septembre, quand je reviens, je suis né et que ma plage me reconnaît, m'ouvre des bras de fiancée. C'est en septembre que je me fais la bonne année. C'est en septembre que je m'endors sous l'olivier. Les plus belles chansons françaises, écoutez-les sur Fadjet. On vient de parler de la liaison entre Gilbert Bécaud et Brigitte Bardot. Une autre histoire d'amour, et pas n'importe laquelle, c'est celle qui s'est déroulée entre Jane Birkin et Serge Gainsbourg dans les années 70 et qui passionne les Français. Pendant qu'il vit auprès d'eux, Andrew, frère de Jane, photographie les instants les plus intimes du couple. Et sachez qu'une exposition et un livre sont à découvrir dans le centre de Nice sur cette histoire d'amour entre Jane Birkin et Serge Gainsbourg. On les retrouve dans un duo assez sulfureux, hein, je t'aime, moi non plus. Thank you. C'est fou. C'est trop. Fadjet à Nancy sur 94.2. Je pensais en écoutant ce duo Jane Birkin et Serge Gainsbourg à une autre version, une chanson revisitée totalement différemment par Jacqueline Maillan et Bourvil. Il faudra que je vous retrouve cette pépite et on l'écoutera ensemble. C'était vu sous un angle un petit peu plus comique, dirons-nous, puisque la chanteuse dit à son partenaire qu'il la chatouille, etc. J'essaierai de vous retrouver ça dans une prochaine émission. Dans un style tout à fait différent. Alors, Jane Birkin, on l'avait mise à l'honneur le 10 décembre 2020 et Gainsbourg le 4 mars 2021. Dans un style un peu plus réservé, hein, on va écouter Carla Bruni. Je vous rappelle qu'elle a deux enfants, Aurélien Enthoven qui a 21 ans et Giulia Sarkozy qui a 11 ans. Issue bien sûr de deux unions, la première avec le philosophe Raphaël Enthoven et la seconde avec l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy. On la retrouve dans un titre extrait de L'héritage Goldman, elle va nous chanter Fille facile. J'ai une tendresse particulière pour ces filles qui n'ont pas de manières. Les hospitalières, les dociles, vous les appelez les filles faciles. Celles qui marchandent par leur corps, ni pour des mots, ni pour de l'or. Pour qui faut pas tout un débat, ni pour leur haut, ni pour leur bas. Pour quelques notes de guitare, elles dormiront un peu plus tard. Elles disent que les matins c'est bien, elles disent qu'à deux c'est encore mieux. Les inespérées, les timides, celles qui comprennent sans qu'on leur dise. Pour qui ne suffit qu'un regard, pour que tout s'allume en un soir. Petite chanson de reconnaissance pour ces stars de mon adolescence. Je n'en ai oublié aucune, chère et précieuse, une à une. FM ou sur Fadjet.net, où que vous soyez, Fadjet vous accompagne tout l'été. Sachez qu'on est déjà à la moitié de notre émission, le temps passe très vite. Si vous venez de nous rejoindre sur le 94.2, on partage des coups de cœur pendant tout l'été 2023. Et essayez de deviner de qui il s'agit. Le titre suivant sera interprété par quelqu'un dont le talent fut de coller à l'évolution de la musique, notamment outre-Atlantique, et de s'inspirer des grands artistes du moment pour composer des tubes qui ont trouvé un public fidèle et nombreux. Bah, ses influences vont des Beatles à Ray Charles et des Rolling Stones à Bob Dylan. Ça y est, vous brûlez un peu, non? Bah, il place des dizaines de titres au sommet des hit-parades français, suisses ou belges. Allez, si je vous les cite, J'entends siffler le train, Donne-moi ma chance, Itsy Bitsy petit bikini et Je m'en vais, Tu parles trop, à présent tu peux t'en aller, Ce monde écoute dans le vent, Aranjuez mon amour, et bien d'autres, dont celui que nous allons écouter, Amoureux de ma femme. Il s'agit bien sûr de Richard Anthony, à qui nous avons consacré notre émission du 9 février 2023. Qu'est-ce qui me prend? Je me sens soudain tout drôle, comme si j'avais un oiseau sur mon épaule. Qu'est-ce qu'il m'arrive aujourd'hui? Je suis amoureux. Longtemps déjà n'existait plus rien, nous restait seulement la presse en commun, et souvent s'installait au fond de mon cœur pour un jour de un nouveau bonheur. Qui sait, peut-être nous sommes mariés trop jeunes, et j'avais besoin de vivre ma vie d'homme. De toutes mes idylles, j'en ai fait le tour, je sais que c'est elle mon unique. Je suis amoureux de ma femme. Pendant les vacances. Pendant les vacances. Fadjet, la chanson française. La chanson française. Quelle affiche on a dans notre émission aujourd'hui, puisque le suivant c'est Stromae. Le 4 avril dernier, Augury Productions et Mozart Label ont le regret d'annoncer l'annulation des concerts de Stromae prévus jusqu'à fin mai 2023. Les 91 dates de la tournée Multitude Tour ne seront donc jamais honorées en raison des pépins physiques et possiblement mentaux. Stromae a décrété le clap de fin après une quarantaine de concerts. Visiblement à bout, il n'est pas le seul artiste qui a eu le capot qui fume en raison d'une infernale cadence, on peut le dire. On le retrouve dans Fils de joie. Être seul c'est difficile, et là ça fait des années. De juger c'est facile, surtout quand on n'y a pas goûté. Le plus dur, c'était la première fois. Puis le plus dur, c'est de savoir quand sera la dernière fois. C'est vrai, je suis pas contre un peu de tendresse de temps en temps. Et puis cette fois-ci, je pourrais le faire en l'insultant. Oui, tout est négociable dans la vie, moyenne en paiement. En plus, je suis sûrement son meilleur client. Mais oh, laissez donc ma maman. Oui, je sais, c'est vrai qu'elle n'est pas parfaite. C'est un héros, et ce sera toujours fièrement que j'en parlerai, que j'en parlerai. Je suis un fils de pute, comme ils disent. Après tout ce qu'elle a fait pour eux, pardonne leurs bêtises. Oh, chère mère, ils te déshumanisent. C'est plus facile, les mêmes te courtisent. Et tout le monde ferme les yeux. Pourquoi tout le monde me déteste, alors que c'est moi qui les nourris? Leur vie serait bien plus modeste, sans moi elle serait pourrie. Le lit et la sécurité ont un prix, madame. Ben oui, dans la vie tout se paye. On te l'avait donc jamais appris. On m'accuse de faire de la traite d'êtres humains. Mais 50, 40, 30 ou 20% c'est déjà bien. Faudrait pas qu'elles se prennent un peu trop pour des mannequins. Mesdames, ou devrais-je dire putain? Mais oh, laissez donc ma maman. Oui, je sais, c'est vrai qu'elle n'est pas parfaite. C'est un héros. Et ce sera toujours fièrement que j'en parlerai, que j'en parlerai. Je suis un fils de pute, comme ils disent. Après tout ce qu'elle a fait pour eux, pardonne leurs bêtises. Oh, chère mère, ils te déshumanisent. C'est plus facile, les mêmes te courtisent. Et tout le monde ferme les yeux. Je sais que c'est ton boulot, mais faut bien que je fasse le mien, non? Entre le tien et le mien, la différence c'est que moi je paye des impôts. Allez circuler madame, reprends tes papiers, ce qui te reste de dignité. Aux femmes, trouve-toi un vrai métier. Mais oh, laissez donc ma maman. Oui, je sais, je sais. C'est vrai qu'elle n'est pas parfaite. C'est un héros. Et ce sera toujours fièrement que j'en parlerai, que j'en parlerai. Je suis un fils de pute, comme il dit. Après tout ce qu'elle a fait pour eux, pardonne leurs bêtises. Oh, chère mère, ils te déshumanisent. C'est plus facile, les mêmes te courtisent. Et tout le monde ferme les yeux. Stromae, une patte unique dans le monde de la variété, on l'avait mis à l'honneur le 9 mars dernier, 9 mars 2023. Maintenant, Bernard Lavillier, que propose-t-il dans ses concerts, cette nouvelle tournée? On peut dire que c'est une mise en récit bas du monde, une mise en récit révoltée quand même, qui fait sale comble depuis le début de la tournée 2022. Le cœur du monde, un titre où se croisent poésie et une certaine inquiétude devant le devenir de la planète et de notre propre évolution. Bernard Lavillier, c'était notre coup de cœur du 24 novembre 22. J'entends le cœur du monde battre de plus en plus fort, celui des multitudes et de la solitude. Je croise de plus en plus la haine, la peur, la mort. C'est presque une attitude, ça devient l'habitude. Quand nos amours n'auront plus cours sous ce soleil énorme, alors viendra le compte à rebours sur ses désirs brûlés, sur ses désirs brûlés. La tête du dictateur, la tête du fusilleur, toujours en embuscade dans les rues de Bagdad. Si la démocratie peut tomber en 10 heures, si les banques surnagent attendant le naufrage, alors nos amours n'auront plus cours énorme. Une pourra plus faire demi-tour. Enchaîner, enchaîner. Enchaîner, enchaîner. Après la guerre, on est dans l'entre-deux. On attend la prochaine, la dernière, la certaine. La guerre économique, au fond, c'est pas sérieux. Faudra bien que ça saigne des milliards, des centaines. Quand nos amours n'auront plus cours sous ce soleil énorme, alors viendra le compte à rebours sur ses désirs. Alors viendra le compte à rebours sur ses désirs brûlés, sur ses désirs. De passion sur Fadjet pour votre été. Bernard Lavilliers, c'était le 24 novembre 2022 chez nous. Extrait de leur premier album Take the Hate of Me, les deux tubes Daddy Cool et Sunny propulsent immédiatement le groupe Boney M en tête de tous les hit parades, bien sûr. En dehors des mélodies et rythmes 100% disco, rappelez-vous, le succès du groupe repose aussi sur les attitudes et les déhanchements sexy de Bobby Farrell. On les retrouve dans un méga mix. Boney M, notre coup de cœur du 17 mars 2022. Fadjet, rythme votre été. Alors le suivant, il avait eu la gentillesse de venir au studio pour nous parler un petit peu de sa carrière, nous présenter ses chansons. Il est originaire de notre région, look androgyne, voix au perché, perçu comme un personnage angélique. Et ben cet artiste lorrain aux accents ambigus propose un répertoire empreint de tendresse, cette poésie, on peut dire accessible à tout public. Je vous propose de découvrir son dernier single, c'est tout nouveau, tout chaud, juste après la nuit. C'est bien sûr Cyril Alexis. Juste après le naufrage, j'ai vu mon visage qui te souriait. Juste après le mirage, j'ai vu les orages que je dessinais assis sur mon nuage blanc. Je suis l'ange blond et j'attends, je suis dans la seule étoile qui brille, destination la terre, j'arrive dans ma vie. Je suis dans la lumière, seule étoile qui brille, destination la terre, j'arrive dans ma vie. Juste après la nuit, juste avant les ravages, mon cœur en otage battait dans le flou, j'effaçais les images et tous tes messages, refusant le doux, assis sur mon nuage blanc. Je suis l'ange blond et j'apprends, j'apprends, je suis dans la étoile qui brille, destination la terre, j'arrive dans ma vie. Je suis dans la lumière, seule étoile qui brille, destination la terre, j'arrive dans ma vie. Juste après la nuit, étoile qui brille, destination la terre, j'arrive dans ma vie. Je suis dans la lumière, destination la terre, j'arrive dans ta vie. Juste après la Fadjet, le festival de toutes les musiques. Vous n'allez pas me contrarier, les trois grandes icônes des années 60 en France, c'était Sheila, Françoise et Sylvie. Bah, Sylvie Vartan, égérie des années 60, épouse de Johnny Hallyday, a toujours conservé sa popularité auprès d'un public demeuré fidèle. Parmi ses titres les plus emblématiques, Est-ce que tu le sais, Le Locomotion, Tous mes copains, ou encore évidemment La plus belle pour aller danser, ou La Maritza. Je vous propose de la retrouver dans un titre extrait de son dernier album, donc beaucoup plus récent, Les vents contraires. Sylvie Vartan, coup de cœur du 23 avril 2020. Une dernière balade dans la baie, le dernier refrain de l'été. L'hôtel aérien ne voit fermé, l'océan loin s'est retiré. Ta peau sur ma peau n'ira plus, ta main dans la mienne s'est perdue. Nos rires insouciants se sont tus. Je m'en vais comme je suis venu. Et les tempêtes, les vents contraires. Moi je ferme les yeux et je pense à toi. Et dans les soirs d'hiver, les tempêtes, les vents contraires. Moi je ferme les yeux et je pense à toi. Éphémère, ton parfum flotte encore dans l'air, immobile sous le belvédère. Je pleure nos amours passagères. Et dans les soirs d'hiver, les tempêtes, les vents contraires, moi je ferme les yeux et je pense à toi. Et dans les soirs d'hiver, les tempêtes, les vents contraires, moi je ferme les yeux et je pense à toi. Droit vers l'horizon j'ai marché, pas une fois je me suis retourné. Le vent doucement s'est levé et les immortels ont fané dans l'arrière-saison, désertés de cette ville où je t'ai aimé. Et dans les soirs d'hiver, les tempêtes, les vents contraires, moi je ferme les yeux et je pense à toi. Et dans les soirs d'hiver, les tempêtes, les vents contraires, moi je ferme les yeux et je pense à toi. Moi je pense à toi, oui je pense à toi. Fadjet. Coup de cœur. À Nancy sur 94.2. La suivante, c'est Régine. Elle nous a quitté le 1er mai 2022. Je vous propose d'écouter un duo. On lui avait rendu hommage, pas hommage, puisque elle n'était pas décédée. On lui avait consacré un coup de cœur le 13 janvier de cette même année, 2022. On la retrouve en duo avec un petit peu de légèreté. Bon, avec Régine, c'était toujours le cas. Mais un duo avec Pierre Palmade, qui a fait la triste actualité il y a quelques mois, dans un titre qu'on peut qualifier de joyeux, Le cirque à tout le monde. Régine, Pierre Palmade, sur Fadjet. Applaudissez, le cirque à tout le monde. Il a commencé le premier jour du monde. Et il n'est pas près de fermer. Applaudissez, le cirque à tout le monde. Il est installé aux quatre coins du monde. Et moi ça me fait rêver. Un monsieur glisse dans la rue, perd son chapeau et tombe dessus. Et voilà que passe l'autobus qui passe aussi sur le gibus. Monsieur qui était toujours dessus est aussi plat qu'un prospectus. Des inconnus émus saluent cet inconnu d'un coup de gibus. Un militaire déclare la guerre et puis déclare que la guerre c'est pas l'affaire des militaires, du ministère, l'or et du ster. Car voilà-t-il pas que les reporters rament leurs stylos et les gangsters, leurs revolvers et les rosières, leurs jarretières et vive l'enfer. Applaudissez, le cirque à tout le monde. Il a commencé le premier jour du monde. Et il n'est pas prêt de fermer. Applaudissez, le cirque à tout le monde. Il est installé aux quatre coins du monde. Voilà qu'un turc insulte un grec, le grec embarque pour la Mecque et entre deux salamalek fout feu à la pinacothèque. Oh. Le Turquie était au Québec à faire l'infect au fils du chèque. Et puis bon mec envoie un chèque de 3 copecs pour les obsèques. Un type t'emmène sur son yacht, il te fait boire du cognac, te fait visiter son hamac, mais car son frac, il a du tact. Et claque, c'est la porte qui claque, et craque, c'est un soulier qui craque, et flaque, tu chies à la grosse flaque, on fait pas ça un jour de Pâques. Applaudissez le cirque à tout le monde. Il a commencé le premier jour du monde, et il est pas prêt de fermer. Applaudissez le cirque à tout le monde. Il est installé aux quatre coins du monde, et moi ça me fait marrer. Applaudissez le cirque à tout le monde. Il a commencé le premier jour du monde, et il n'est pas prêt de fermer. Applaudissez le cirque à tout le monde. Il est installé aux quatre coins du monde, et moi ça me fait marrer. Eh bien, c'est déjà le dernier titre que nous allons écouter ensemble, pour un titre en public, comme d'habitude, pour se quitter, pour clôturer notre numéro de coup de cœur. Il s'agira de Maxime Le Forestier. Soit dit en passant, vous allez le retrouver en live, mais vous pourrez le retrouver en chair et en os, puisqu'il est en tournée, notamment le 11 août à Châteauroux, le 29 septembre à Montpellier, en octobre au Touquet, à Chambéry, et sa tournée se terminera au mois de mars 2024 en Belgique. Ce sera la dernière chanson du programme. Ce sera également la dernière chanson pour coup de cœur du mois de juillet. C'est au mois d'août qu'on met les boutins, qu'on fait les fous, les gros matous, les sapins joues. C'est les vacances, le soleil, c'est pas une critique. Quand je vois deux amants, je trouve ça sympathique. Mais malheureusement, il arrive aussi que je pense en voyant certains cas précis. Les filles tombent amoureuses de n'importe qui. Elles jouent en riant au petit bonheur, le cavalier blanc ou la dame de cœur. Les coïncidences, comment ça s'écrit, comment ça commence, comment ça finit. Les filles tombent amoureuses de n'importe qui. Les filles tombent amoureuses de n'importe qui. Qu'elles suivent une étoile ou un inconnu, enfoui sous un voile ou bien presque nu. Va savoir pourquoi les filles amoureuses font n'importe quoi. Les filles amoureuses font n'importe quoi. La belle et la bête, Samson, Dalila, Roméo, Juliette, toi et moi. C'était pas la gloire quand tu m'as choisi, je me dis certains soirs, qu'est-ce qui t'a pris. Les filles tombent amoureuses de n'importe qui. Les filles tombe amoureuse de n'importe qui. We'll be right back. Ce générique qui indique la fin de notre émission, bien sûr, ça va être bientôt le carillon de Fadjet pour vous indiquer l'heure précise. Je vous souhaite une bonne semaine, on se retrouve la semaine prochaine, on se retrouve le mois prochain puisque ce sera le mois d'août pour un nouveau coup de cœur d'été. D'ici là, passez de très bons moments dans la région d'Ancienne, peut-être un petit peu plus loin. N'oubliez pas que vous pouvez nous écouter un petit peu partout en Europe, www.fadjet.net. Salut, je vous embrasse.